C'est toujours les débats de Gérard, il est 2h42, donc vous venez d'écouter Dev Angel, check your body. Dev Clark. Oh merde, Dev Clark, excuse-moi Gérard. Dev Clark. Ok. Tiens, Ali. Merci. Et donc c'est... là je vois rien du tout, j'ai même pas de lumière. C'est parti là, en bas là, sur le côté. Voilà. Donc c'était Dev Clark... 5 Your Body. Voilà. Voilà, vous venez d'écouter ça et on se retrouve pour la suite des débats de Gérard. Et vous pouvez toujours nous appeler. Mais réveillez-vous sur le Minitel, on a combien de connectés? On a 27 connectés. Si ouais, la semaine dernière, on était presque à 60. Je discute avec le chef, j'ai le droit, non? Bah si, pourquoi non. Là, tu veux que je fasse des bidouilles? Mais non, voilà. Pas de dégoût. donc on va récupérer Françoise. J'arrive. Je suis là. Bonsoir Gérard. Rebonsoir. Rebonsoir. Putain. Voilà. Oui, rebonsoir Gérard. Fanta. Rebonsoir Gérard. Cécile. Rebonsoir Gérard. C'est pas Schweppes. Choupa Choups. C'est pas Schweppes. Choupa Choups, Gérard. Choupa Choups. Salut Gérard. Rebonsoir, bonsoir, pardon. Et Delphine, rebonsoir. Rebonsoir. Donc, alors, le deuxième débat, il porte sur les poupées gonflables. Celui qui a une radio derrière, s'il vous plaît, vous l'éteignez. Hein? Françoise? Oui, mais j'ai pas de radio. C'est pour ça que j'ai pas répondu. Non, mais je demande à ceux qui ont une radio de la baisser. Justement, pour ça que j'ai pas répondu, j'ai pas de radio qui marche. Ok. Donc, on part sur les poupées gonflables. Donc, la première question, donc, avez-vous une poupée gonflable chez vous? Non. Alors, non. Qui non? Non, mais je veux pas que ça parte comme le premier. On va pas faire les quatre premières questions que ça passe en merde. Et qu'après, on... a répondu, non. Oui, mais attends, Françoise. Et je veux pas que ça passe que ça parte en merde, les quatre premières. Je veux qu'on fasse un deuxième débat correct. Parce que la semaine dernière, on a fait deux débats super bien. Cette semaine, ça part en merde. Alors moi, je vois pas. Alors, Françoise, pourquoi non? Parce que je vois pas l'utilité d'avoir une poupée gonflable. Je préférais avoir directement un bonhomme. D'accord. Un bonhomme, on dit un mec. Ouais, un mec. D'accord. On dit pas un bonhomme. Voilà, un mec. On dit ce qu'on veut, sinon on dit... Mais je m'en servirai souvent. Hein, ou la main de ma soeur dans la culotte d'un zouave. Je m'en servirai souvent si j'en avais un. D'accord. Ok, Françoise. Lola? Ah non, j'ai pas besoin de poupée gonflable. Hein. Pourquoi faire? Ouais, mais pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai mes mecs. Ouais, t'as la chaussure à ton pied. J'ai mes chaussures à mes pieds. Voilà, d'accord. Donc, Fanta? Non, j'en ai pas, j'ai déjà mon mec. Ok. Cécile? Non, j'en ai pas non plus, j'ai mon mec. Ok. Choupa Schweppes? Ouais, moi je tiens un magasin de chaussures, donc j'en ai plein, quoi, ça va? Non, mais je te parle des poupées gonflables, je te parle pas des mecs. Non, c'est une métaphore pour te dire que j'ai chaussures à mon pied, quoi. N'importe quoi, toi. Je crois que... Gérard, ça veut tout simplement dire qu'il a pas de poupées gonflables. Oui, évidemment, voilà. Oui. Voilà, ok. Delphine? Moi j'en ai une pour mon chien. Hein? Oui, j'en ai une pour mon chien. Pourquoi? Attends, là tu vas m'expliquer. Mon chien est un gros excité. Ouais. Alors, plutôt qu'il s'excite sur ma jambe, et ben, j'ai acheté une poupée gonflable, ça il s'excite sur elle. Ah d'accord, ok. Ah, moi j'ai un chien gonflable, là, j'avais oublié. Oui. J'ai pas de poupée, mais un chien gonflable, j'en ai un. Mmh, d'accord. Donc moi je peux vous dire que moi une poupée gonflable, je pense pas en acheter une et autre. Ouais, bah c'est bien. Est-ce que t'en as déjà vu une au moins? Non. T'as jamais vu une poupée gonflable? Et dégonflée alors? Dégonflée, la question va venir petit à petit. Ah d'accord, excuse-moi encore une fois. Donc je pense que de toute manière, ça va être, tout le monde va me répondre non, ça. J'y peux rien, c'est des questions que j'ai essayé. Qu'on a faites ensemble, hein? Non, c'est moi qui les ai faites. Ah pardon. Ça c'est sûr, dormez-vous avec votre poupée gonflable, ça tout le monde va me dire non. Oui. Qui oui? C'est Françoise. Oui. Non, banane, pas kiwi. Françoise? Étant donné que ça tient chaud, une poupée gonflable, alors donc je préfère dormir avec ma poupée gonflable. Mm-hmm. Ah bon, ça tient chaud? Ah mais oui, attends, Françoise, pourquoi? Si tu la remplis de flotte avec de l'eau chaude, c'est une bouillotte. Non, mais attends, Françoise, ça c'est une bouillotte comme... Tu peux... Si elle a un trou, tu la remplis par le trou. Mm-hmm. tu la remplis et puis tu fais qu'est-ce que tu veux avec ta poupée gonflable. Ah, et bah, puis, ouais, ouais, tu la remplis, ouais. Mmh. Tu peux mettre et elle tient chaud pendant toute la nuit. D'accord. Lola. Oui. Mais non, je dors pas avec ma poupée gonflable puisque je t'ai dit que je n'avais pas. Donc, ouais, d'accord. Ouais, mais Lola, essaye, s'il te plaît. Quand oui. Je pose une question, c'est pas parce que vous avez quelqu'un, mais essayez de répondre quand même, qu'on puisse continuer l'aider. Je réponds, là. Excusez-moi, c'est Manu, là. Je vais traduire ce qu'a dit Gérard, c'est-à-dire que même si t'as pas de poupée gonflable, tu peux quand même dormir avec. D'accord. Voilà. Non. Ouais, mais essayez de répondre quand même à la question correctement. Je réponds, non, je veux pas dormir avec de poupée gonflable, ça ne sert à rien. Mais pourquoi? Bah parce que, qu'est-ce que je fasse à faire? Oh. Je sais pas, tu peux avoir de la conversation, non? C'est Vestol. Mais c'est ça, mais bon sang. Essayez de réagir. Oh Lola. Oui. Je demande ça gentiment. Merde. Mais qu'est-ce qui vous arrive ce soir? Vous avez pas envie de faire les débats? Mais si, Gérard. Bon, c'est la fille, là. Eh Manu. Manu, fais quelque chose, là, réveille-moi un peu ce monde. Eh, moi, je dois aller, moi. Gérard, c'est quand même toi le chef. Bah oui. Caresse-le un peu, standard, Léna. Toi, tu gères. Ouais, mais chauffe-les. Ouais, chauffe-les un peu, là. Parle-moi un peu de sexe. C'est pas moi qui le veulent, c'est toi. Oui. Fanta, pour toi. Bah, c'est la une queue, je dormirais bien avec. Pas de pub, Gérard, en fait. Oui, au fait. Appelle la fanfan, on aura moins de problèmes. Oh, mais je sens que ça a pu continuer, là. Alors, s'il faut que j'arrive encore à la sixième. Poupée, tu n'as pas de queue. Ben, à ce moment-là, tu réponds comme moi, tu prends un bonhomme à la place. Ben non. Mais si, une poupée gonflable, mais en bonhomme. Voilà, en bonhomme, je dormirai avec. Voilà. Ben, au moins, suivez les conseils à Françoise. Mais Françoise a réagi sur les questions, au moins. Elle n'est pas comme vous. Là, il y en a qui dorment. Arrêtez de dormir. Oh là là, Cécile. Non, moi, mon mec, il me tient assez chaud comme ça. D'accord. Et pourquoi? Parce qu'il me tient chaud. Ouais, voilà. Alors, pourquoi? Parce qu'il me tient chaud. Alors, ça, c'est une question bête et idiote. Parce qu'il est vivant, alors on a plus de plaisir. Mais pourquoi? Mais non, mais attends, Cécile. Pourquoi qu'il te tient chaud? Cécile, au revoir. Je suis pas souple. Oh, c'est pas souple, hein. Ah, je suis pas souple, oui, ça tient chaud, oui. Pourquoi? Pourquoi avec vos poupées la nuit? Mais merde, vous allez vous réveiller ou quoi? Oh, mais c'est... Oh non, mais moi, je virerai tout le monde, là. Mais non, Gérard. Le truc qui est sympa et pratique avec Gérard, c'est que quand ils sont énervés, ils gueulent. Quand ils sont pas énervés, ils gueulent. On sait pas quoi faire, Gérard. Non, mais attends, je demande à Stéphane Soupe, dormez-vous avec votre poupée gonflable la nuit. Il répond pas, lui, il dort. Bah si, il t'a répondu oui, parce que ça lui tient chaud. Je t'ai dit qu'il dormait avec. C'est une réponse. Ouais, pourquoi? D'accord, je pense qu'on va aller vite, hein. On va pas durer jusqu'à 4 heures. Hein. Oh, c'est dommage. Pourquoi? Delphine. Pourquoi? Ouais. Moi, je dors Delphine. Avec mon frère, je dors avec mon chien. D'accord. Ok. Bah, c'est bien. Pourquoi? Non, mais c'est bon. Je pense qu'apparemment, vous avez l'air de vous en foutre des questions. Mais non, pourquoi? Mais apparemment, vous en foutez. Mais attendez, vous en foutez. Je vous pose des questions correctes. Vous n'êtes pas capable de me répondre. Arrêtez. Mais pourquoi? Non, mais là, ça va aller vite. Ça va aller vite. Troisième. Maintenant, on est à la troisième. Allez-vous chez le médecin quand votre poupée est malade. Pour répondre à cette question, à la place de Cécile, on accueille Moustique. Salut Moustique. Allô Gérard, c'est bon là, je suis là. Ouais. Ok. Donc tu veux que je réponde à la question là, Gérard? Allez-vous chez le médecin quand votre poupée est malade? Oui. Oui, qui? Ouais, mais allez, répondez. Répondez vos noms, merde. Mais répondez le prénom. Chanta. Lola. Oh là là. Oui, François. Pourquoi? Bon, et Delphine. Ouais, moi j'emmène mon chien chez le vétérinaire. D'accord. C'est pas choupe ça. Oui. Pourquoi? Encore, pourquoi? Mais pourquoi, mais là? Mamie, s'il te plaît, tu me réveilles réveille, lui, là. Mais ils sont réveillés, c'est qui? Mais non, mais oui, voilà. Je lui demande pourquoi. Il n'est même pas capable de me répondre pourquoi. Oui, bah, pour la soigner. Voilà. Bah, mais voilà. C'est un peu de source. Bah voilà, je te demande pourquoi, tu me dis pour la soigner, c'est tout. Voilà, pour ça. C'est simple, non? Oh, alors quoi? Vous comprenez pas les questions, les auditeurs? C'est trop con, je pense. C'est n'importe quoi. C'est trop con. Non, non, je dis pas toi, je dis nous, on doit vraiment être trop con parce qu'on comprend pas ce que tu dis. Voilà. Ouais, ben, si vous comprenez pas, ben c'est malheureux. Moustique? Oui. Ouais, bah oui, moi je l'emmène, ouais. Pourquoi? Bah, parce que pour faire plaisir à mon médecin. D'accord. Ok. Quanta? Oui, s'il vous plaît, là. Oh bah c'est Moustique, ça. C'est pas moi, c'est pas... Ah non, Gérard, non, c'est pas moi. Ah, moi non plus, c'est pas moi. Bon, ça commence déjà à la troisième question, on commence déjà à perdre des doubles sons. Ça commence à m'énerver. Fanta. Je l'amène chez le médecin. Pourquoi? Pour la soigner. Moustique. Mais pourquoi pour la soigner? Mais merde, parce mais qu'elle pourquoi est malade. Mais merde, vous allez vous réveiller ou quoi? Pourquoi elle est malade? Bah parce qu'elle avait fait trop d'efforts physiques le soir. Pourquoi elle a fait trop d'efforts physiques? Oh là. Pourquoi elle a fait l'amour? Parce que j'en avais envie. Pourquoi t'en avais pourquoi? Bon, Lola. Oui, moi j'en ai hier pour la regonfler un petit peu. D'accord. Alors, au moins une qui comprend un peu la question. Mais on a compris, Gérard. Françoise. Eh bien, moi, je l'emmène chez le médecin parce que si elle est malade, je suis malade moi aussi. Ah, ouais. Pourquoi? Alors, en fin de compte, le médecin soigne pour deux personnes. D'accord. En même temps. Économie. Voilà. De toute manière, tu peux économiser sans aller chez le médecin. Hein. j'ai besoin de ma poupée gonflable avec moi. J'aurais une question, Gérard, à te poser, excuse-moi. En plus, on l'a soumis sur le Minitel. C'est, est-ce que tu as le droit à la sécu pour ta poupée gonflable quand tu l'emmènes chez le médecin? Si elle est couverte sur la personne avec qui elle vit, si elle est couverte, attendez, au lieu de vous foutre de ma gueule, parce que tout à l'heure, je sens que je vais virer Lola, Ponta et les autres. Ça va aller très vite ce soir. Sérieux. Ce soir, ça va aller très vite. Gérard, réponds, il se calme. Hein? Allez, il se calme, vas-y, réponds, GG. Donc, si elle est sous mon nom, je peux très bien faire passer la sécu, je peux très bien la mettre sur mon nom, sur la sécu. Ça rembourse bien? Ça, j'en sais rien. Ça va, comment? Donc, quatrième. Ça... Chante la semaine prochaine, toi tu vas aller chez toi. Hein, Fildar? J'ai l'impression que la semaine prochaine tu vas être chez toi. Allez, quatrième question. Tu peux m'inviter, Fildar, chez toi la semaine prochaine? Non, mais je sens qu'il y en a qui vont gerber la semaine prochaine, ça va aller très vite. Allez, Gérard. Non, mais marrez-vous. Je vous préviens, dans 5 minutes, je fais une pause. Allez, ta quatrième question. Quand tu vas à la sécu, tu l'emmènes ta poupée ou pas? Mais ta connerie, tu l'emmènes, toi? Moi, j'emmène mon chien. Toi, tout à l'heure, tu vas retourner au standard, tu vas aller dormir. Ça va pas être pareil. On embraye. Quatrième, sortez-vous avec votre poupée gonflable dans la rue nue. Ça, c'est une question. marre-toi. C'est une question abrutie. Bon, de toute manière, c'est simple. Mais c'est drôle. Mais c'est drôle. On peut rire, non? Maintenant, on va répondre. Là. Un peu de détente, ça va aller vite. Un peu de détente. Delphine. Oui. Non, moi je l'habille quand même. Pourquoi? Bah, un peu de décence quand même, il y a des enfants. Ouais, mais pourquoi? Bah, il y a des enfants quand même, un peu de décence. Mais pourquoi? Bah, il y a des enfants quand même. Ouais, c'est pas chouette, tu vas te calmer s'il te plaît. Ça aurait été pourquoi tout à l'heure tu as dégagé, tu vas pas m'emmerder. Tu dis why. Comme ça aurait été pourquoi? Bah, je vais retourner au standard, tu vas aller dormir, toi. Attends, ça va être à toi de répondre. Oh! Qui? Oh, c'est pas chouette! C'est pas chouette! Gérard, si t'écorches son nom, il peut pas répondre, c'est logique. C'est pas chouette, là, tu travailles? Oui, alors vas-y, demande-moi. Bon, allez, demande-moi, tu retournes au standard, dégage. Hop, bonne nuit pour toi. Allez, hop! Bonne nuit, je suis pas chouette. Je les remplace pas, hein. Non, bah, de toute manière, tu vas pas les remplacer? Mais si, je déconne, un petit peu d'humour, Gérard. Mais tu me prends un peu les lignes, là, il y a 24 lignes! Oui? Vous me faites quoi, là? Il y a 24 lignes qui sonnent. Ouais. Vous prenez les mêmes. Tu les entends pas, les lignes qui sonnent, là? Regarde. Si, je les entends. Ça sonne pas, là? Oh, putain, grave. Alors, sonne bonsoir. Allô? Bon, allez, hop. Bon, ça sonne, Gérard, on continue. Allez, Gérard. Moustique. Ouais. Quand tu dis nu, c'est la poupée ou c'est toi? Quand? sortez-vous avec votre poupée gonflable dans la rue, nue? Ouais, mais tu parles de moi? Non, c'est la rue. C'est la rue qui est nue. Les c'est deux. La rue qui est nue. Les deux. Les deux. Bah, tu sais, j'ai pas trop de fric pour habiller ma poupée gonflable, quoi. Donc, ouais. Elle est nue, elle. Mais moi, non. D'accord. Je me débrouille, quoi. Mmh. Fanta? La poupée, elle est nue, mais non, moi, je suis habillée. Ouais. Ça me dit pas grand-chose, hein. Bah oui, mais je peux pas sortir à poil, Gérard. Bah si, en été, quand même. Bah après, quand même, il y a des enfants. Bah, il y a des enfants, Gérard. Ok. Tu sors nu, toi, Gérard? Tu sors nu, Gérard? En t-shirt. De quoi? Tu sors nu? En t-shirt, oui. Tu as un t-shirt? T'es nu sous ton t-shirt? À ton avis. Mais je pourrais te poser une question, Gérard. Est-ce que tu serais prêt à prêter ton t-shirt si ta poupée gonflable avait froid? Quand tu sors dans la rue? Pourquoi? Ça, pourquoi je réserve. Je prends un joker. Laura, Tu prends un joker. Alors, moi, je suis pas nue. Mais Laura Oui, moi, je suis pas nue, mais ma poupée, elle est toute nue, ouais. Puis on se balade, hein, main dans la main. Mm-hmm. Gérard, quand elle est malade, tu mets le thermomètre dans quel trou? Non, mais attends, qui c'est qui pose cette question? Non, c'est Delphine, non, ça m'intéresse. Non, mais attends, Delphine. Non, mais il y a Delphine. Des écrans, ça Delphine, oui. Delphine, s'il te plaît. Oui. Tout à l'heure, je vous ai demandé, allez-vous chez le médecin quand votre poupée gonflable est malade? Hein, fallait peut-être réagir là-dessus. C'est pas sortez-vous avec vous. Non, mais faudra peut-être réagir aux questions que je pose. Hein. Ok. Françoise. Oui. Ben moi, ça sort en maillot de bain plutôt. En maillot de bain, combien de pièces? Deux pièces. Trois pièces. Attendez, y a pas de maillot de bain, trois pièces. Ça n'existe pas encore. Deux pièces, c'est-à-dire avec chambre cuisine. Attendez. En deux pièces, c'est-à-dire. Alors moi, ça veut dire le bas et le haut. Bah, c'est-à-dire, mais explique. Parce que je sais pas ce que c'est moi un deux pièces. Bah, un deux pièces, ça veut dire la petite culotte et le soutien-gorge. Ouais, mais. Bah, t'as la cuisine qui doit faire 20 mètres carrés et puis le reste, je sais pas. Ouais, mais pour les chiottes, quoi. Mais tu crois pas qu'avec un au lieu d'un deux pièces, on lui met un maillot de bain, une pièce, tu crois pas que c'est mieux? Bah non, pas du tout. Bah non, pourquoi c'est mieux? Bah non, mais attendez, mais répondez pas tous. Au moins, il y a les marques de bronzage. Sur un deux pièces? Sur un deux pièces, c'est mieux. Ouais, mais attends. C'est plus sexy, tu vois les poils. Ouais, mais dans ce cas-là, pourtant, j'ai deux auditrices dans les studios, ça va être un peu con la question. Mais admettons que le maillot de bain rentre dans l'arrêt des fesses. Et tu vois, vous faites bronzer, et qu'à un moment donné, vous voyez uniquement que le maillot de bain. Que vous êtes bronzé partout et que vous avez que la couleur du maillot de bain. Vous pensez pas que c'est un peu dur? Eh ben si, moi, ouais. Non mais si tu bronzes avec ton maillot bien, ton maillot bain à deux pièces, à ce moment-là, quand t'es bien bronzé, ouais. Donc quand tu l'enlèves, la partie qui n'a pas bronzé, ouais. elle reste blanche. Donc ouais. Tu peux te mettre à poil après. Ouais, c'est comme si que tu portais un maillot de bain, mais Françoise, s'il y a du monde derrière, tu crois que devant tout le monde, tu vas te mettre à poil là-dessus? Eh ben oui, bien sûr. Non mais là on parle des poupées là, Gérard, tu t'égares là, on est pas... Admettons que ta poupée gonflable, tu lui mets ta maillot de bain deux pièces. Eh ben justement, si elle bronze, moi je bronze aussi. Donc automatiquement, et si je la déshabille, je me déshabille moi aussi. Attends, Françoise, oui. Françoise, comment tu peux déshabiller une poupée gonflable? Eh ben si tu lui mets la culotte, tu lui enlèves la culotte. Bah oui. Tu baisses ta culotte. Bah oui. Tu peux la déshabiller, genre. D'accord. Si tu l'habilles, automatiquement, tu la déshabilles. Mmh. Attendez 5 minutes. Gérard. Oui, 5 minutes. On accueille donc Jean-Pierre à la place de Choupassou, Choups, ou c'est pas chouette. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Gérard. Bonsoir. Gérard. Oui. Tu dragues Françoise? Non, non, mais moi, je veux connaître vos réactions. Attendez. T'arrêtes pas de draguer François. Mais attendez, oh, s'il vous plaît. Si. Mais pour l'instant, il y a quel qui arrive à répondre aux questions correctement. Ah, oui. Pour l'instant, entre Lola Panta et c'est pas de Delphine. Marque, pas de marque. Ouais. Pour l'instant, vous répondez à côté des plaques. Oh, non, je suis désolé. François, c'est tout. Pas tout en même temps, merci. C'est tout. J'y peux rien, moi. C'est tout, il y a Françoise qui peut répondre correctement aux questions. Alors maintenant, la cinquième. Pour une fois, on ne prend pas pour une conne, alors. Oh, Françoise. Non, mais il faudra... Françoise, on t'a jamais pris pour une conne. C'est pas pour toi que j'ai dit ça. Non, c'est pour qui? C'est pour les autres qui entendent le débat. Non, et puis je vais vous dire une chose, hein, que là on se rend compte du proverbe, hein, les grands esprits se rencontrent. Exactement. Il y a un proverbe qui dit, le dernier métro, il n'y a pas passé dessus. Ah d'accord. Ah c'est okay. Sûr, ouais. Ah oui. Donc vous avez, tu me... En rapport avec la situation, c'est pile poil celui-là. Poétique. Tu me... C'est une belle métaphore. Tu me dis quand j'arrête d'applaudir, Jean. En tout cas, François, ça va quoi. Non, franchement, ça va quoi. Ah ouais. Tu me dis ce que c'est là on a un disque là déjà. Ah d'accord, bah attends. Si vous voulez que je finisse à 4 heures. D'accord, d'accord. Alors, tu reposes la question. Alors, la question c'est quand votre poupée gonflable est crevée, allez-vous chez le garagiste. On se retrouve juste après. Donc vous pouvez toujours nous appeler au 0803-08-5000, 0870-5000, et toujours le 3615 Code Fun Radio rubrique direct. Et je veux plus de 65 connectés ce soir. Ah ouais, quand même, ouais. Alors dépêchez-vous. Et là, on va s'écouter les petits biscuits avec du caca cuit. Bah, j'ai donné la fiche, là. Donc, c'était des petits biscuits avec du coca cuit. Et donc, non, vous caca, pouvez, caca. Avec du caca cuit. Et vous pouvez toujours nous appeler au 0803-08-5000 et 0870-5000. Et sur le minuteur, s'il vous plaît, réveillez-vous. On est à 4. Alors je veux plus de 60 connectés avant 4 heures. Ouais. Ou sinon, on éteint le minuteur. Ouais. Alors, vous allez vous réveiller. Et au standard, c'est pareil. Surtout qu'à 4 heures, on n'est plus là. Hein. Moi, je m'en fous. Jusqu'à 4 heures, je veux du monde. Ouais. Et je veux que ça bouge comme la semaine dernière. La semaine dernière, on avait 60. Non, 57. Ouais, ben, à 3, on pouvait être à 60. Alors, c'est dans l'aube. Je veux 60. On récupère Françoise. Oui, je suis là. Lola. Oui. Pantin. Oui. Pas de Marc. Moustique. Hey, c'est mon prénom. Ouais. Bon, et oh. Mmh. Oh. Mmh. Moustique, t'arrêtes, s'il te plaît. J'arrête de pâter. D'accord, j'arrête, Delphine. Oui. Et Jean-Pierre. Oui. Donc, est-ce que vous avez compris la question ou faut que je non, répète. Tu répètes, répète, là, tu répètes. Non, mais vous foutez de moi là. Non, à chaque fois c'est pareil, on perd du temps à cause de ça. Tu peux la répéter, alors répète-la. Alors, quand votre poupée gonflable est crevée, allez-vous chez le garagiste? Non, oui. Oui, qui? Pourquoi? Oui, Françoise. Ouais, attends, celui qui commence à demander pourquoi, tout à l'heure je vais te demander pourquoi tu es con et tu vas retourner au standard. Oui, Françoise. D'accord, Jean-Pierre. Allez, Françoise. Alors, Françoise, pourquoi? Ben, si toutefois elle est crevée, je demande à un garagiste qui lui met une roussine. Pour la couper un petit peu plus fort. C'est pas con, hein. Non, mais justement, c'est ce que j'allais répondre. Tu m'as coupé la parole. La côte. S'il vous plaît, là, derrière, on se calme. On se calme, s'il vous plaît, derrière. Merci. Oui. T'as de la chance. Hein, je sens qu'il y en a tout à l'heure, ils vont pas continuer. Donc, Lola. Oui. Eh ben moi aussi, je l'emmène chez le garagiste. De toute manière, il y en a une... Hein? Bon, Moustique, tu vas te calmer, s'il te plaît, merci. Ouais, non, mais c'est pas de ma faute, Gérard. Ah, t'as pris le mauvais nom, t'as pas de bol. Tout à l'heure, ça va pas être de ma faute si tu vas retourner au standard. Tu peux pas t'appeler Kiffard. Ça va pas de ma faute. C'est moins de bruit, ouais. Ça va pas être de ma faute si tu vas retourner au standard tout à l'heure. Ben non, Gérard, mais non. Non, mais si. Bon. Ah, ben si. Allez. Donc, Fanta? Oui, je l'amène chez le garagiste. Mm-hmm. Et pourquoi? Bah, oui. Fanta? Oui. Tu te réveilles, s'il te plaît? Je ne sors pas, Gérard. Bon, Manu, s'il te plaît, tu me réveilles. Tu viens, Fanta, tu prends Coca. Et puis... hop. Hop. Au revoir. Alors, Moustique? Ouais, non, bah moi, je n'emmène pas chez le mécanicien, je suis plutôt bricoleur. Non. Ah, passe pas sur Coca, tu me prends quelqu'un d'autre à la place. Pas de marge, tu m'écoutes pas, quand je parle, Gérard. Non, on y va. Moustique, s'il te plaît, tu te calmes. Ah, pardon, Manu, tu me prends sur les 24 lignes, s'il te plaît. Parce que j'avais demandé. Là, il y a 24 lignes, Gérard. Faudrait que tu pousses cette enceinte et que tu t'assoies dessus. Pour que je puisse te prendre. Non, mais tu me prends des auditeurs. Manu, t'as envie de faire partie de l'équipe la semaine prochaine? Attends, bouge pas, pile ou passe. Ouais, pile ou passe, attention. Passe, je fais plus. Oh bah merde, c'est face. Pourquoi? C'est la dernière de Manu, donc réveillez-vous. Hein. Ouais, vive Manu. Moustique. Ouais, bah je te disais, Gérard, que je suis plutôt, Olivier, je faisais des brouillards, quoi. Donc je me débrouille, un chewing-gum. Delphine. Ouais. Non, alors, toi, de toute manière, ta question, je la connais, c'est chez le vétérinaire. Non, pas ça répond. Pas du tout, moi je la mets dans ma baignoire et je regarde d'où ça fuit et je mets une rustine. Voilà, donc t'es de la bière Françoise. Hein? T'es à peu près de la bière Françoise. Oui, attendez, à la place de Fantin, on accueille Thierry Coke. Salut! Salut Thierry Coke. Salut! Gérard. Oh, tu travailles? Je dors pas. Salut Gérard! Ah, enfin. Donc, pour toi, Jean-Pierre Bah, moi, je vais voir Moustique pour qu'il me la répare. Voilà. Bon, Jean-Pierre, s'il te plaît. Bah, attends, Gérard, il peut me l'amener. Bah... Non, mais Jean-Pierre, s'il te plaît, tu réponds correctement à la question, sinon tu vas virer aussi, toi. Mais non, il a dit qu'il sait les réparer. Moi, je lui donne pour qu'il me la répare aussi. Mais ouais, il n'y a pas de problème, Gérard. Ok, en donc, plus, on va demander Manu. Tu peux me donner son nom correctement? Bah, Thierry Coke. Thierry Coke. C'est bien comme nom, ça. Ouais, c'est sympa. Ouais, je si j'avais un chien, je l'appellerais comme ça. Ouais. Pardon? Non, rien. Alors, pour toi? Bah, moi, je l'amènerai chez le garagiste aussi, hein. Et pourquoi? Tu peux l'appeler Chéri. Mais non, mais amène-la-moi. Bah, je te l'amène, alors. Ouais, ouais. Non, mais moi je peux vous dire, la première chose que je fais, au lieu d'aller chez un garagiste, bon, comme Françoise, ça m'a coupé l'herbe sous les pieds. Oh, même, la côte, là, Même Delphine. La côte, hein. Oui, non, mais même Delphine.